Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et votre seul et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Bonjour! Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin, je suis une fille C'est ça ton nom, j'oublie tout le temps. C'est ça, mais oui, c'est ça. Fait que je suis une fille.com, je suis une podcasteuse, je suis une humoriste, je suis aussi DJ Party Organizer et j'ai besoin d'un esti de break, j'ai besoin de dormir. Moi, j'ai réalisé que les flushable wipes étaient un outil de mobilisation des bottoms contre les propriétaires. Ça te fuck up une plomberie, ça. C'est pas vrai que c'est flushable. Si vous aimez votre proprio à la poubelle, si vous aimez pas votre proprio et que vous avez pas peur des dégâts dans votre salle de bain, dans la toilette. Je pense qu'on vient de créer un surge dans la vente des wipes flushable. That's it. Parce que je pense pas que les gens qui nous écoutent aiment leur proprio. Sauf la centaine de condo gays qui nous écoutent qui sont leurs propres proprios. Bottoms of the world unite. Oui. That's it. Oui. C'est mon appel à la mobilisation. J'aime ça que les tops se torchent pas. Non. Jamais. Les tops sont dégueulasses. Alors, cette voix que vous entendez, que vous ne reconnaissez pas, c'est la mienne. Ordure rose, Jess PVM. Oui. Ordure rose, bipolaire, non-binaire. J'ai commencé à faire de l'anxiété la semaine passée. Bon, j'avais pas assez de problèmes. That's it. Ouais, des crises de panique. Let's go, c'est super le fun. Yes. Puis là, je me pose des questions. Je pense que je vais devenir TikToker, parce que c'est tellement facile comme job, Carly. Je peux juste déballer mon épicerie devant tout le monde en étant un peu funny, puis en verbalisant mes points d'exclamation, puis tout le monde va triper sur moi. Moi, je t'ai déjà vu pointer des affaires, puis t'as rien qu'à rajouter des captions, puis tu serais bonne. Oui, je pourrais juste pointer des affaires, t'as raison. Ouais. Ou juste, ça, j'adore ça. Il y a des channels entiers où c'est juste une personne qui regarde des vidéos de quelqu'un d'autre, mais qui se filme en train de le regarder sans rien dire. Pour vrai, ça, regarder silencieusement avec des yeux qui jugent, ça, t'es bonne pour faire ça. Non, ils jugent pas rien, ils sont assis là. C'est comme si j'ai regardé la TV, tabarnak. Wow. Ouais. Wow. Ça a des centaines de milliers de views, si c'est pushé au bout sur ma For You page, j'en reviens pas. J'appelle chez TikTok immédiatement. Appelle-les. Oui. Ça va être un appel. Oui, bonjour, j'aimerais ouvrir un compte avec vous. Un podcast ligne ouverte. J'ai toujours rêvé de faire ça, un podcast ligne ouverte. M'appeler chez TikTok, mais on va leur parler en live, enquête. That's it. Enquête. On va au fond des choses. Puis on n'est pas tout seul. Ah! Y a du monde avec nous autres! Ben oui, on est avec Pascal Brunet, organisatrice communautaire aux multiples chapeaux et activiste queer. Bonjour Pascal. Bonjour. Dis-nous donc ça dans le micro, voir. Ah, je voudrais peut-être que je te mette du volume, mon Dieu. Ça va aller mieux avec un peu de volume, quand même. Ah, voilà. OK. On s'entend? Ta belle voix. Oui, mon Dieu. Ouh, wow! Yes! OK. Et toujours Jess à la technique, c'est pourquoi c'est chaotique. Oh, wow! Je pense que j'ai fait un alexandrin. Anyway. Oh! on est avec returning icon, Chacha Enriquez, enseignant en sociologie et activiste queer. Allô? Salut! Comment ça va, tout le monde? C'est l'enfer. Merci. C'est l'enfer. Merci. Chaque fois, on se dit que ça peut pas être pire et chaque fois, c'est pire. Chaque fois, finalement. Constamment. Parfait. On creuse de nouveaux sous-sols pour aller toujours plus bas. Oui. De nouveaux sous-sols. Ouais, nouveaux sous-sols. Oui, OK. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison sous le thème de la nostalgie. On doit faire un genre de gratte-ciel souterrain à this point. Ouais. Ben, pour vrai, un gratte-ciel qui pousse de l'autre bord de la terre, là, tellement qu'on est descendu loin. Oui. On se rappelle que la terre est une sphère. On va peut-être atteindre la larve en fusion. Oui. Ouais. Ça ne sera pas un gratte-ciel, ça va être un gratte-noyau terrestre. Oh! Hey, je pense que c'est ma meilleure joke en 4 saisons. On passe! aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison et c'est sous le thème de la nostalgie qu'on se remémore la grève de 2012 avec les queers de service du mouvement. On parle bel et bien du Pink Bloc! Oui, dont on est avec les chefs. les co-porte-parole officiels. Oui, un homme, une femme. Oh mon Dieu. Alors aujourd'hui, on vous dit c'est quoi le Pink Bloc et on liste leurs accomplissements héroïques lors de la grève étudiante de 2012 dont on ne cesse de parler depuis 4 ans. On parle de la scène militante francophone avant, pendant et après le Pink Bloc. Et pour finir cette saison, on se tourne vers l'avenir du militantisme queer francophone pour conclure notre saison en beauté. J'ai dit comme deux fois conclure notre saison, mais regarde, personne ne va m'en dire. On va te la conclure cette saison-là? On va te la conclure la saison, check-moi conclure. Ferme les peur. En beauté qu'on va la conclure cette saison-là, les yeux pleins d'espoir, mais pas trop quand même, parce que c'est deux fifs le matin, puis l'espoir, c'est là. Pas tant, il y a juste quand Manon vient qu'on a de l'espoir, mais à part de ça, là. C'est non, ça. En quantité limitée. Non, j'ai bien trop peur de l'abandon, de la déception pour me mettre à l'espoir. Ça va faire mal comme tout le reste, je le sais. Fait que je vais aller prendre un café douloureux. Venez-vous avec moi prendre un café douloureux. Ouais. OK. Douloureux. Bouillant. On va le boire trop chaud, puis on va pleurer un peu. Yes. Parfait. Puis on va revenir, on veut caféiner. Et on revient, on veut caféiner. Et on est revenu de la douleur atroce qu'était ce café beaucoup oui. trop chaud qu'on s'est envoyé derrière la gueule oui. d'une shot. Celui que je prends un décaf, je peux plus boire de café, je fais de l'anxiété. Non. Tabarnak. Moi, je... Je peux même plus fumer de potes. Tabarnak. C'est tout ce qui me restait. Baby. Je fais comme tout le monde. Me crisse du CBD en dessous de la langue. Wouhou! Ah! OK, là, on s'en va. On s'en va parler de la grève de 2012 qu'on a mentionnée tout le temps sur ce podcast. À chaque épisode. À tout moment, sans jamais vraiment contextualiser. La grève de 2012, c'est comme la troisième animatrice de deux films de film matin. Ouais, c'est comme on est les filles de Sex and the City, puis genre la ville de New York, c'est la grève de 2012 dans ce podcast. Mais nous, on serait rien sans la grève de 2012. Mais la grosse question pour les petites jeunesses qui nous écoutent, c'était quoi la grève de 2012? Qu'est-ce qui s'est passé, Pascal? Mais là, premièrement, quand on fait un petit voyage dans le temps, on remonte un peu avant 2012. Parce qu'il y avait comme un moment d'effervescence sociale. Il y a eu le printemps arabe. Oui. Il y a eu le mouvement Occupy qui a traversé l'Espagne, qui s'est passé aux États-Unis, un peu partout au Canada. Puis là, on arrive en 2012 où il y avait déjà un mouvement étudiant qui se mobilisait contre les hausses de frais de scolarité. Mm-hmm. Dans l'idée que l'éducation, ça devrait être accessible, ça devrait être gratuit. C'est ça qui nous permet d'apprendre des choses. Oui. Puis ça n'a pas d'allure que le gouvernement capitalise là-dessus, qui nous endette, qui nous empêche ensuite de faire des choix de vie un peu plus libres. Et ça a tellement mobilisé, ça a tellement soulevé les passions que c'est devenu beaucoup plus grand que le mouvement étudiant. Entre autres parce que le gouvernement ne bougeait pas de ses positions de ne pas vouloir reculer devant leur hausse de frais. Ils ont mis des mesures telles que empêcher les gens de se réunir à plus de 50 personnes. Oui. Les avocats la loi sont spéciale. Exactement. Les avocats sont sortis dans la rue. Les familles sont sorties dans la rue. Il y avait des manifs tous les soirs pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et finalement, le gouvernement libéral a fini par démissionner. Oui. Ça a déclenché les élections qu'ils ont perdues. Exactement. Ça a un petit peu mis fin à ce grand mouvement d'effervescence, mais on a quand même vécu là, presque la moitié de l'année. Parce qu'une fois encore, le PQ est venu sauver le Québec. Ta-ta-da. C'était quand même le fun, ces élections-là, où tout le monde faisait comme s'il n'y avait pas de grève. Personne ne voulait s'en parler. Il y avait un accord entre tous les partis. C'était comme on était en élection par hasard. Mais non, si l'argument de Jean Charest, c'était les casseroles et la rue. Il a répété ça à peu près 175 effectivement, fois. Effectivement, effectivement. Le PQ, c'est les casseroles et la rue. Yes. Ils ont promis un beau forum. Il était comme, venez, on va s'asseoir au côté sur d'une grande table. Oui, qui est en fait le forum sur l'indexation. Exactement. Oui. Parce que dans le fond, le nœud de tout ça, c'est devenu beaucoup plus gros, mais le nœud de tout ça, c'était qu'il y avait une augmentation assez insane que maintenant, en tout cas, viendrait là-dessus, mais qui est une augmentation de 1625 $, si mes souvenirs sont bons, des frais de scolarité en général. Et une grosse partie du mouvement étudiant était comme non, pas question. Puis la FEC était comme 1624, 1623, ça serait pas payé. C'était ça le slogan, 1625, ça ne passe pas. C'est vrai que c'était leur slogan. Puis à côté de ça, il y avait l'AC, dont on était membre, qui réclamait la gratuité scolaire, justement. Et qui mobilisait depuis déjà un bout. Donc on savait que cette grève, elle s'en venait. Oui. Et c'était vraiment drôle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début, on était comme ah, ça va durer 6 semaines. Tu sais, on convainquait les gens. Comme ça dure 6 semaines. Oui, parce après, que la grève de 2005 avait duré 6 semaines. C'était le record. C'est ça. Puis ça a duré 6 mois. Ça a été finalement un des plus gros mouvements de l'histoire du Québec. Si c'était à date le plus gros mouvement de l'histoire du Québec. Oui. Et c'est ça. Vous l'avez vécu comment? La grève, Charlie et Jess d'ailleurs. Sous. Principalement de 7h le matin à 23h, à 3h de la nuit. C'était l'enfer, câlisse. Ah, moi, j'étais un babe. Moi, j'avais 19 ans. Là. Oui. Tu sais, j'avais 19 ans, puis tu sais, genre, limite au cégep, je pensais encore que le PQ était à gauche. Je passais de ça à passer au travers de la grève, à devenir genre fully anticapitaliste en 6 mois. Moi, ça l'a escaladé rapidement. J'ai été comme élu sur le conseil exécutif de l'AECSL, l'Association étudiante cégep de Saint-Laurent. Puis la semaine d'après, on débarquait sur le plateau de Simon du Rivage à l'UQAM, puis on décollissait tout. C'était bien drôle. C'était encore sur Internet, vous irez voir. Ben, moi puis Jess, c'était quand même intéressant parce que les deux ont été au cégep de Saint-Laurent. Cégep de Saint-Laurent qui est un cégep bien nighty, bien willing. Bien à gauche, bien de grève. Puis aussi qui gérait les frais afférents ben du riche. Cégep jusqu'à... Je sais pas si ça dure encore, mais c'est ça. Fait que Saint-Lô, c'était... On s'appelait nous-mêmes la banque. Oui, il y a du cégep de riches qui avait de l'argent. Parce que la librairie puis le café appartiennent à l'association étudiante. Fait qu'ils ont deux business qui font du cash. Non, c'est pas vrai. Une business qui font du cash, c'est pas un café! J'ai travaillé au café du Soleil de Saint-Lô. Une des nombreuses raisons pour laquelle le café faisait pas de cash. Fait que c'est ça. Malgré la dilution du lait au chocolat avec du lait 2%. On se rappelle des scandales qui ont secoué le célèbre de Saint-Laurent. De toute façon, mais là, on s'éloigne. Tout ça pour dire que. Tout ça pour dire que c'était bien fun à Saint-Lô. On se peignait à face avant d'aller en manif, tout le monde. Je faisais ensemble. Partie des 5 vrais pauvres du cégep, moi. That's it. Ouais, ouais. Les autres faisaient tout à semblant. Ouais. Moi je gardais mes souliers. C'est ça qui me distinguait de tout le monde. Je marchais pas nu pied. Fait que. Pour revenir au Pink Block. Oui. C'est un groupe militant queer ou une tactique politique un peu calquée sur le Black Bloc. Est-ce que vous en êtes les co-porte-parole? Qui est le vrai chef du Pink Bloc et comment peut-on devenir membre? Donc le Pink Bloc à la base c'est une stratégie politique menée par les queers. Dans le fond, les queers font des blocs généralement anticapitalistes. Hein, on date ça dans les années 2000 liés au mouvement anti-mondialisation, alter-mondialisation. Ouais. Hein, donc cette présence et cette visibilité des queers dans les manifestations, donc dans une perspective anticapitaliste. Cela dit, moi je pense que dès les années 70, quand le mouvement de libération gay allait manifester dans des manifestations syndicales, dans des manifestations souverainistes, c'était la même énergie que le Pink Bloc. Proto-Pink Bloc, ouais. Ouais, c'est ça, c'était cette même énergie. Donc je pense qu'il y a une longue tradition dans nos communautés de faire des blocs à saveur anticapitaliste, à saveur souverainiste au Québec dans les années 70, là, parce que c'était... Pas le choix. C'est ça qu'on faisait. Ouais. Et donc, c'est ça, ça date de là. Donc, le Pink Bloc, à la base, c'est une stratégie politique dans les manifestations. Et nous, on a décidé d'en faire un groupe. Dans le fond, on s'est dit... Vous, les chefs, là? Oui, nous, les chefs, c'est ça. Là, pour les gens qui nous écoutent, il n'y a pas de chef, c'est une grosse joke, c'est un running gag. C'est ça. Le Pink Bloc, c'est une coalition. Donc là, on est deux à prendre la parole. Ouais. Mais les autres personnes qui étaient dans le Pink Bloc, ben, ils ont peut-être des analyses et des choses à dire différentes du Pink Bloc. Donc, c'est nos deux expériences à nous. Mais on était quand même fondateur, fondatrice du Pink Bloc. Hein. J'avais collé une réunion chez nous. On était 5 dans mon salon à se dire « Ok, la grève s'en vient ». Allons-y, parce que justement, on trouvait que c'était un peu plate de faire la grève dans nos assos étudiantes. Là. C'est important, il faut le faire, mais tu sais, on trouvait ça un peu plate. Moi, je me souviens pendant la grève là, de toutes mes amies straight qui cruisaient, qui frenchaient, qui fourraient à fond la planche que toutes les militants se rencontraient. Puis moi, j'étais juste comme, ils sont où les queers dans les autres cégeps et les autres universités? God. Elle est où ma romance de grève gauchiste où on va manifester ensemble main dans la main? C'est exactement pour ça qu'on portait du rose avec des petites capes brillantes. Non, pour que tu nous trouves, Charles. Je les ai trouvés à la fin. Mieux vaut tard que jamais. Yeah, yeah. J'en ai trouvé quelques-uns. Crack tout. Bon. Ouais, toi aussi. Oui. On est sœurs de tout ça, c'est sûr. On est sœurs de tout ça. On a partagé bien des affaires. De ouais. Dans le temps que je m'intéressais encore aux autres êtres humains. Hey, c'était comme ça fait longtemps. Hein? Ah! T'as quelle année, là? Ah oui, ça fait 10 ans, c'est pour ça que. Est-ce que j'étais comme pourquoi déjà, qu'est-ce qu'on fait avec WhatsApp? Un Pink Bloc, c'est avant tout un regroupement dans les manifs. Vous faites quoi pendant les manifs? Donc, ben. De légal, mettons, pas obligé de tout dire. Mais en fait, tu sais, tantôt, tu as mentionné le Black Bloc, ouais. Qui est l'idée de se rassembler. Il y a dans le Black Bloc, l'importance de l'anonymat est quand même très présente. Le Pink Bloc, nous, on n'avait pas ça à Montréal, mais il y a d'autres Pink Blocs que ça fait partie de leur stratégie. Ouais. Qui vont avoir des stratégies politiques très similaires au Black Bloc, mais l'idée, c'est d'être comme, ben, on est queer, on est visible, puis aussi, on se protège entre nous. Mm-hmm. Tu sais, de la masculinité toxique, du manarchisme, d'avoir un espace où est-ce qu'on peut être queer and fabulous. Oui. Puis après ça, les énergies, je pense, des différents Pink Blocs, mais ça va dépendre. Tu sais, si tu vas dans une grosse manif familiale, t'as peut-être pas la même vibe que si tu vas dans une grosse manif anticapitaliste du 1er mai. Ouais. Fait qu'au niveau des stratégies, mais on en parlait, il y a vraiment l'aspect d'être visible. Donc, nous, on a décidé de porter des capes roses, des pompons. Mais il y a aussi les messages qu'on avait envie d'amener avec ça. Dont les slogans, c'est vraiment important parce que notre spécialité dans vie, là, c'est de reprendre les slogans du mouvement étudiant et d'en faire des slogans grivois, pro-sexe, cochon. Donc, c'est ça, mais on va vous... Oh, c'est le fun, ça. Vous allez voir tantôt, on va vous saler les oreilles avec tout ça. Yes! Moi, je me rappelle très, très, très tôt dans la grève, puis moi, ça a été une de mes premières éducations sur la culture du viol, bravo le Pink Bloc, mais on vous a connu, parce que moi, je vous connais, pour moi, c'est un peu bizarre de parler de la grève et de parler d'un aspect que je n'ai absolument pas fréquenté. Moi, j'étais un gars qui gueulait dans les conseils exécutifs, puis qui fermait la gueule à tout le monde, j'étais toxique au bout, c'était désagréable. Mmh. Est-ce que tu l'es plus maintenant? Hein? Pas à tout, j'ai tellement changé. Je bois plus, c'est la seule affaire, j'ai juste plus d'excuses. Oui, donc on s'est, vous êtes fait le Pink Bloc s'est fait connaître très tôt par un communiqué, si je me rappelle bien, qui était contre les slogans pro-viol, parce qu'à un moment donné, on trouvait ça donc drôle de dire à des ministres femmes d'aller se faire violer. Exactement, ce qui n'est pas drôle. Ça, mais aussi, tu sais, il y a quand même beaucoup de slogans où est-ce qu'on parle d'enculer des gens dans un truc très, très négatif, très, très sexe négatif. Oui. On était comme. Ben, c'est supposé d'être le fun, ça. Ah, échapper en prison, échappe ton savon. Exactement. Ah, ouais. On dit comme, mais ça, ça n'a pas d'allure. Plein de niveaux, tu sais, de rire de l'incarcération, de rire de la sodomie. Puis on était comme, on mérite mieux. On est comme créatif, puis on est pas mal funky. Oui. Alors que, tu sais, Charest dans un coffre de Charest. Oui, j'allais nommer comme... exactement celui-là. Oui. Ça fait comme, ça fait tout ce que ça a à faire, tu sais. Oui, il y avait aussi l'Enéma Limolonline, mais ça, personne ne l'a retenu. Quoi? L'Enéma Limolonline. Lynn Beauchamp, ancien ministre de l'Éducation. Oui, ancienne oui, ministre oui. De l'éducation, on rappelle que ça, c'est des. Parce que là, ça, c'est des slogans qui sont tirés de manifestations qui ne sont pas des inventions de notre cru que nous ne faisons que rapporter. Oui, nous ne sommes que des journalistes objectifs. Nous ne sommes que des journalistes absolument objectifs. On avait écrit, c'est ça, c'était un peu sur un coin de table là, qu'on avait écrit, on avait repris quelques slogans pour écrire quelque chose contre les slogans pro-viol, et on faisait des actions dans les manifs, donc ça c'était aussi intéressant, c'est-à-dire que dès qu'on voyait une pancarte avec un slogan pro-viol, on allait autour de la personne, on créait des slogans contre les slogans pro-viol, et il y a une ou deux personnes qui allaient expliquer à la personne, parce que les gens souvent ils comprennent juste pas, là, ils captent juste pas, puis là tu leur expliques, donc il y avait une intervention éducative, mais ce qui était intéressant c'est que ce petit communiqué qu'on avait écrit sur le coin d'une table, il a été vu par 15 000 personnes en ligne. Il a été adopté par des assemblées générales. Oui. Ça fait qu'on a ouvert des conversations. On avait plein d'amis féministes, queer qui venaient nous voir puis qui étaient comme, OK, là, j'ai vu une affiche pro-viol puis je suis allé parler à la personne et je me suis senti légitime de le faire grâce à votre action. Merci parce que sinon, j'aurais pas fait. Oui, ça a mis des mots sur une réalité que beaucoup de gens connaissaient pas ou anticipaient même pas. Là. Ça, puis tu sais, je pense aussi dans un contexte politique où c'était tellement évident que c'était comme les étudiants contre le gouvernement. C'est facile d'oublier qu'à l'intérieur de nos mouvements, il y a aussi plein de tensions. Il y a plein d'affaires qui n'ont pas d'allure. Puis il faut mais Pascal, le vrai combat. Ce qui avait ça en 2012. Non, mais on là, vous tout en même le temps. Sujet, on veut là. Tout. Ben oui, KO, tout en même temps. Let's go. La deuxième action du Pink Bloc, c'était un Frenchoton. Ça a l'air le fun. C'est quoi ça? Ben le Frenchoton, en fait, on s'est dit, ça serait le fun de parler de consentement. Parce que t'allais dire que ça serait le fun de frencher. J'en savais tout commencer par là. Pour vrai, je me suis dit tout le long de la gueule que ça serait le fun de frencher. Ben, t'étais même pas là. Moi, j'avoue que quand la pandémie a commencé, je suis comme, la pandémie sera finie quand on fera un nouveau Frenchoton. Ouais. Je comme, me semble ça manque. C'est bon. Hein? Mais donc, dans la, si on pense au consentement puis à ce qui se passait politiquement, t'as comme le gouvernement qui essayait vraiment de forcer, sans le consentement de la population, une mesure avec laquelle beaucoup de gens étaient en désaccord, surtout les principales personnes concernées, c'est-à-dire les étudiantes et les étudiants. Ouais. Fait qu'on s'est dit, ben on va montrer à quoi ça peut ressembler du consentement, parce que nous autres, on connaît ça, les queer. Fait que là, on a organisé un gros party pour se frencher. Puis il y avait différents espaces, il y avait du monde qui frenchait à gorge déployée. Il y avait du monde qui avait des partenaires privilégiés de French. Il y avait du monde qui voulait faire des petits trains, des câlins de groupe, scander des slogans, puis avoir du fun. Puis il y avait des rounds, puis il y avait de la salive dans ce temps-là. Je me rappelle, moi, personne n'était disponible pour se faire cracher dans le trou, fait que je laissais faire. Moi, je me souviens, tu sais, back in the day, je pense que la raison principale pour laquelle je connaissais pas le Pink Bloc ou j'étais pas au courant de ces trucs-là, c'est que quand j'étais babe de 19 ans, au début de faire partie d'un mouvement pour te sentir plus légitime puis te sentir chill dans une manif, t'as besoin d'être beaucoup avec tes amis puis avec tes groupes. Oui. Oui, non, mais c'est ça, mais moi, c'est beaucoup comme ça que j'ai commencé. Puis à la fin, là, je commençais à comme, tu sais, chercher mes manifs moi-même, à y aller juste moi-même puis savoir que j'allais rencontrer du monde et tout. Puis là, tu faisais des nouvelles rencontres, des nouveaux milieux, mais moi, me faire mobiliser, là, j'avais besoin d'être avec ma gang du café de Saint-Lô, là, tu sais. Sinon, j'étais comme, mais là, qu'est-ce que je fais tout seul dans une manif? Mais d'ailleurs, une des tactiques qu'on a utilisées en dehors des manifs, c'était de se faire des rencontres. T'sais, c'est pour ça que Chacha, tantôt, tu disais, on était aussi un peu un collectif, parce qu'on avait des rencontres sur le coin de la table chez Chacha, mais aussi dans des cafés étudiants. Puis l'idée, c'était, venez-vous-en, on va jaser. Puis ça permettait aussi aux gens de venir nous rencontrer, de voir qu'on était, d'échanger avant d'aller à la manif. Absolument, oui. Puis de construire, en fait, une capacité collective à être ensemble puis faire des actions esclaboufflantes. Ouais, esclaboufflantes. Ouais. d'en faire un espace de politisation. Ouais. En fait, c'est ça aussi l'idée, c'est que on est souvent, surtout dans le milieu franco, on est beaucoup dans l'action, dans l'action, dans l'action. Mais et puis Pascal a beaucoup amené ça, là, l'importance du care, l'importance de prendre des espaces dans lesquels on va faire ensemble nos caps et décorer nos caps. Puis en décorant nos caps, il se passe quelque chose. On a des discussions, on a des idées, on développe des nouvelles actions. On fait parce que les gens qui sont ajoutés avaient des forces en design, des forces, t'es comme. Ouais. Et c'est ça, qui a développé le Pink Bloc. En fait, c'est le fait qu'on ait pu constituer ce collectif-là. On s'entend que 99% des affiches ont été faites par l'école de la Montagne Rouge. Là. C'était clair. Là. C'est pour ça que c'était important qu'il y ait un groupe queer. Exactement. En plus, parce que un petit il peu manquait drôle. De matériel. Là. Un peu de pink. Une autre action du Pink Bloc, c'était contre la violence policière. Ça, c'est moins de fun que Frenching, mais c'est nécessaire. L'attitude de la police envers les étudiants et étudiantes en général, c'était ben hostile. C'était quoi la réponse du Pink Bloc? Ben, comme on vient de dire, l'idée d'avoir des rencontres en dehors des manifs, c'était aussi de construire une capacité collective puis de comme, baisser notre peur d'être ensemble dans des moments de répression. Ouais. À un moment donné, je pense que c'est devenu évident que au-dessus, on avait envie de dénoncer la répression qu'on vivait. Oui. Oui, ben, pardon. En fait, je pense le Black Bloc, qui est présent dans les manifs, il apporte beaucoup de tension, en fait. Et il y a comme des espèces d'affrontements avec la police. En tout cas, la police essaye de s'attaquer au Black Bloc et aux manifestants en général. Mais les prennent beaucoup pour cible. Et nous, on est un peu les sœurs du Black Bloc. Donc, on se positionne, on fait de l'action directe non violente. Notre visage est découvert. On utilise l'humour. Mais on est anti-police. On est pro-Black Bloc. C'est pas un mouvement qui dénonce le Black Bloc. Parce que des fois, il y a cette antithèse-là, c'est ça exactement, c'est la fameuse diversité des tactiques. Diversité des tactiques. Et ça fait partie aussi de la lutte contre la répression de nous. Bah, finalement, on arrive et on crie « t'es beau, t'es chaud, me semble que le casque est trop ». Donc, on essaye de désarçonner la police, justement. Et ils savent pas quoi faire avec nous, en fait. Une autre bonne technique, c'était de prendre les plus jeunes dans la manif, de les crisser au front, puis de les faire crier « Papa! Papa! Arrête! Papa! » C'était excellent, la police était tellement mal à l'aise. Ça, mais tu sais, les baby blocs, ça fait partie des stratégies. Oui, il y a aussi des groupes qui s'organisent en clowns. Moi, dans les meilleures actions que j'ai vues, des fois, c'est des clowns qui mimaient les anti-émeutes. Oui. Puis c'est comme si ça casse la tension visuellement, là, d'avoir du monde qui sont comme « Blablabla! » Puis là, t'as les robocops à côté qui ont l'air complètement ridicules, en fait. Oui. Still. Donc, je pense qu'aussi avec notre action, justement, on permet de détendre l'ambiance puis de donner du courage et de l'énergie aux gens dans la manif face à aux polices qui nous vargent dessus. Ouais. Il y a aussi on avait fait une dernière action, une dernière manif qui était une manif travestie contre la répression policière en drag. Donc, c'était quand même vraiment cool. Mais tu sais, c'était vers la fin en juin. Donc, on était peut-être 200 en drag à aller dans le village, à se rapprocher un peu du pont. Puis là. Oui, parce que ça, c'était. Parce qu'à un moment donné, ça a été. Très tôt dans la grève, le pont était bloqué. Puis après ça, tu voulais trigger la police. T'allais juste vers le pont Jean-Cartier. C'est ça. Ah là, la police, là, il était comme. Non, non, non, non, non. Puis là, on marche sur Ontario. Puis on est en drag, là. Tu sais, on s'entend les 200 en drag. Puis là, la police, ils sont avec leur moto. Puis là, ils essaient de nous forcer à aller sur le chemin. Puis nous, on est comme. Non, reste dans la rue. C'était vraiment fort, là, tu sais, d'être comme. Yes. Comment on passe de mobiliser les gens en étant cute et queer and fun à les radicaliser et en faire. Hey, question facile. À les radicaliser en faire des anticapitalistes, anti-police. Parenthèse d'ailleurs, puisqu'on pose la question, c'est fou le temps qu'on passe à expliquer aux queer pourquoi qu'on a lié la police à cause de leur relation avec les personnes queer et qu'on passe pas assez de temps à expliquer pourquoi il faut remettre le concept de la police en question au complet. Comme un coup qui va être ami avec nous autres, ça sera pas réglé le problème là. Enfin. Est-ce que. Ouais, fait que c'est ça, c'est parce qu'il y a une forme d'éducation dans le Pink Bloc. Il y a une radicalisation qui se fait à travers le Pink Bloc. Tu rentres là, t'es peut-être un peu. Je ne veux pas dire candide, là, parce que les gens qui sont pas de gauche et anticapitalistes ne sont pas nécessairement candides, mais ils sont proches de l'éveil. Je pense bientôt du bon bord. Je pense qu'il y a une radicalisation en fait des expériences du mouvement en général. Tu sais, donc nous, on était un cadre dans lequel on pensait ensemble. Et il y a plusieurs personnes qui ont rejoint le Pink Bloc qui n'étaient pas anticapitalistes au départ et qui le sont devenus. Mais je pense que c'est un mouvement que toute notre génération a fait. On apprend à résister à la police. On apprend qu'il ne faut pas s'asseoir devant la police. On apprend qu'il faut... Ceux qui savent, savent. On apprend que... On a du footage, je vais tout sortir ça avec l'épisode sort, ça va être super. On a déjà parlé sur le podcast, là. Il y a une vidéo de moi, il y avait une crew de caméra qui m'a filmé, moi, à 19 ans. Quoi, genre une semaine de grève in, où genre on apprend que la police s'en vient, puis moi, puis ma grand gueule, of course, je me dis on s'assoit, puis on fait les... on a juste à s'asseoir, ils vont pas nous varger dessus si on s'assoit. Puis tu sais, comme, mais genre, organiser... aucun lockout, aucune résistance à la police. Moi, je me disais, je dois partager ce que je pense. Oui, mais comme gay, on pens tout le temps qu'on est capable de tout faire. Je pense qu'encore là, c'est un bel exemple de comme... Tu sais, pour moi, dans une perspective de diversité des tactiques, les gens qui décident d'utiliser des moyens plus pacifiques, que peut-être c'est pas les miens, ça a une valeur. Mais là, c'est aussi une différence entre Charlie, toi, tout seul, il est comme, je veux une bonne idée, puis d'être comme... collectivement, on décide de prendre une décision. Fait que pour revenir à ta question, je pense que la radicalisation se passe aussi en relation les uns avec les autres, t'sais. De voir des gens prendre des risques, de voir des gens être présents, de voir aussi de laisser des idées peut-être préconçues qu'on avait. Moi, je sais qu'il y a tellement de monde qui, avant d'aller dans des manifs où est-ce que ça brassait, il y avait quand même l'idée de la police, quand elle intervient pour quelque chose. Oui. Mais il faut que tu aies été dans beaucoup de manifs pour réaliser ça, c'est non, c'est un cycle de violence. La police intervient de façon incroyablement random. Moi, le nombre de fois où j'étais comme je comprends pas pourquoi ils se mettent à courir vers nous, mais maintenant je dois aller me cacher ou tu sais, je dois faire quelque chose. À un moment donné, pour moi, c'est devenu évident ce cycle-là. Mais quand tu l'as Je veux dire, les manifs étaient déclarés illégales, on n'a même pas commencé à marcher, là, c'était ridicule. Là. Ou même d'avoir des réflexions, d'être comme hey, tu sais. Peut-être que tu as des valeurs en désaccord avec l'idée de vandalisme, mais est-ce qu'on peut quand même se questionner de genre entre la famille des victimes de la vitrine et la famille des victimes de brutalité policière? C'est pas vrai que ça a la même valeur. T'sais. Puis pourtant, c'est comme les vitrines, c'est donc terrible. Ils ont brisé des vitrines. Puis je pense qu'il faut que la police te varge dessus aussi pour comprendre que c'est le fonctionnement inhérent de la police de nous varger dessus. Et ce qu'on a vécu là, c'était du profilage politique durant toute cette période-là les deux années après où on ne pouvait même pas faire une manifestation. C'est-à-dire que dès qu'on voulait avoir une manifestation, la police arrivait puis nous shutait down puis super violemment. Et c'est ce que vivent... La souricière quasiment à partant. Plein de jeunes racisés, plein d'itinérants au quotidien. Et je pense qu'on a été toute une génération à prendre conscience aussi de cette violence policière qui est inhérente à la police. Oui, parce que tu sais, autant on l'a subi, cette violence policière-là, autant c'était rendu tellement fréquent que tu pouvais plus l'ignorer, là. Les hélicoptères, là, je sais pas si vous vous rappelez les hélicoptères, tous les jours, il y avait les hélicoptères. Ouais. On freakait. Tu sais, on a tous vu certains de nos amis se faire targeter puis se faire sortir. Il y avait des. Parce que ça, le char des vieux traumatismes, c'est le fun, mais genre, je sais pas combien de personnes j'ai vu se faire extraire de la manif parce que la manif d'avant, il avait été spoté à faire je ne sais trop quoi, lancer une orange, sais-tu, moi, Chris. Ouais. On connaît du monde qui se sont fait arrêter pour avoir lancé une boule de papier, tabarnak, là. Fait que. Tu sais, puis on parle de 2012, mais en fait, deux années plus tôt, il y a eu le G20 à Toronto. Puis là, il y a eu un premier Pink Bloc de Montréal qui s'est organisé. On est parti en gang. Ça a été une expérience incroyable. Mais encore une fois, tu parles de traumatisme. Moi, pendant des mois après, j'avais des frissons quand je voyais des vannes blanches non marquées. Parce que j'ai passé deux jours à voir des policiers anti-émeutes sortir des vannes, pogner du monde, les mettre dans des cages. Tu sais, il y a aussi comment l'appareil policier dans les 15-20 dernières années a énormément changé. Là. Il y a un super film sur le... Militarisé. Merci. Tu on regarde des photos d'archives, des images d'archives. Tu vois, les anti-émeutes, ils ont des manches courtes. Ah oui, ils sont en t-shirt des halles. Puis c'est les anti-émeutes. Puis tu regardes maintenant, puis t'es comme, ils ont des canons à eau, ils ont des canons à son, ils ont des hosties de gros guns, ils sont padés de partout. T'sais, ils ont l'air de venir d'un film de science-fiction. C'est notre réalité. Les flashbangs qui font exploser dans les airs ou dans les yeux. Il y a les... au Canada... Les balles en plastique, you name it, il n'y a rien. Là, les balles en plastique, on s'entend que c'est pas du petit caoutchouc mou. Là. Non, t'sais, comme des gens ont perdu des yeux, comme des gens ont eu des blessures très grave à cause des mâchoires, des calcés, il n'y a rien qu'on n'a pas vu. Puis, tu sais, en fait, en 2010, puis avant avec les Olympiques à Vancouver, dans le fond, tous les appareils policiers, tous les services de police ont reçu des budgets énormes pour s'équiper pour ces événements-là. Puis, je veux dire, après, ils n'ont pas jeté leurs caméras, ils n'ont pas jeté leurs nouveaux jouets, ils n'ont pas jeté leurs nouveaux guns, c'est resté, tu sais. Puis ça a changé la culture de comment on s'est habitué aussi à les voir de même, tu sais. Oui, parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Là, le monde aurait capoté si la police du jour au lendemain est arrivée avec ces affaires-là. Puis finalement, genre, c'est graduellement un petit morceau de gear à la fois. Ils sont rendus avec des camions de SWAT, on dirait qu'ils s'en vont faire la guerre. Ben, c'est ça qu'ils font. Mais c'est ça qu'ils font. C'est exactement ça qu'ils font, là, la guerre aux pauvres et aux minorités en général. Ah, fait que là, moi... On s'en va traverser une ligne anti-émeute pour aller se chercher notre café, puis on va résister. On y va certain. On y va certain, hostie. On perce, puis on y va, puis away. On perce. Un, deux, trois, go. Non, mais pour vrai, je pense, une fois, je pense que c'était au Plan Nord, on avait fait reculer une ligne anti-émeute, puis ça, c'était le fun. Non, mais le Plan Nord, ça a été notre meilleur manif. Ah, c'était le fun, ça. Ça a été la plus trash aussi. Ah, je suis retourné au Palais des Congrès pour genre la plus grosse conférence scientifique sur le VIH, tu sais, puis j'étais comme pas le même feel que d'être dehors, puis d'accord. Est-ce que Josh Oreille était coquille? C'est là qu'il a fait sa joke. Genre, le plan Nord est tellement populaire, les gens se jettent aux portes. Comme... Est-ce que c'était drôle? Là? J'ai jamais ri de même. J'étais comme meilleure blague de la grève, ça vient même pas de notre bord. Mais c'est ça l'affaire avec Jean Charest, le tabarnak. Ouais. C'est juste que comme. Il a failli être premier ministre du Canada. Tu sais, quand tu roules pour Pierre Poilievre, là, c'est parce que t'es traumatisé. Ouais. Non, mais c'est ça, mais tu sais, malheureusement, genre, il y a de la répartie, puis il est assez. Il sait faire passer une joke comme ça. C'est evil, là. Ben oui. C'est evil, c'est, là. Il est evil, c'est le diable incarné. Ah, moi, pour vrai, je... En temps, est-ce que vous connaissez les lettres de Jean Charest, ça fait 7 ans. Est-ce que vous connaissez un premier ministre du Québec de ces 20 dernières années qui n'est pas evil? Effectivement. Pauline Marois? Non. Believe women! Puis on revient au caféiné. On a traversé la ligne anti-émeute, puis on a pris notre petit ristretto dans une souricière. Oui. Où on s'est fait ramener au poste, ils nous ont identifiés. Ils ont été courtois, là. Courtois. Puis après courtois. Ça, on a été relâchés. On nous ont ramenés. On arrive du poste de police. C'était où qu'on allait tout le temps là, attendre le monde qui s'était fait arrêter? Christ, que c'était long, ça. Oui. Faire des vigiles. Oui. Amener de la bouffe aux gens. Oui. Des bochots. Ah, c'est-tu que c'est compliqué à être empathique. C'est ça, on a emmené notre café. Pour plusieurs personnes, le Pink Bloc est associé à la grève étudiante de 2012 parce que c'est un petit peu à ce moment-là que c'est devenu visible pour LE. Est-ce que le Pink Bloc s'est né de la grève de 2012? C'était quoi le paysage militant queer francophone d'il y a 10 ans, genre, un peu avant 2012? Mais moi, j'ai envie de parler des Panthères Roses qui étaient de avant il y a 10 ans. Fait que yes. J'ai même la misère. Ah ouais. On voyage dans le temps comme ça, fou de même. Oui, mais ça de Fif le matin, on en a déjà parlé. On a créé le voyage dans le temps parce que les gens qui nous écoutent sont dans le futur. Exact. Oui. Mais là, on retourne début des années 2000. Il y avait un collectif, en fait, je pense, qui français à la base, qui s'appelait les Panthères Roses, qui a inspiré un autre collectif montréalais qui s'est aussi appelé les Panthères Roses, qui était un. En fait, moi, ma collègue. Tu penses que c'était inspiré du groupe mais français? Mais oui, okay. Ce monde-là, il se parlait. Tu sais, ça voyage, là, des billets, là, Paris-Montréal. Là. Loin de la nuit, le jour. Et... Moi, je me rappelle parce que j'étais au Panthère Rose à Paris à l'époque. Puis de ma. Oh, de mon OG, check ça, là. De mon souvenir, les Panthères Roses s'étaient créés comme en parallèle en France et au Québec. Ouais. Et ils s'étaient rencontrés, c'était comme « What? On a le même nom! » Puis là, ils s'étaient rencontrés, ils avaient fait les trucs ensemble. Puis il y a eu des Panthères Roses au Portugal après qui, elles, se sont inspirées de ce qui existe. Mais il me semble que c'était ça, l'histoire. Bref. Écoute, c'est ça aussi, tu sais, nos histoires orales, on attrape des petits bouts, on en perd d'autres, puis on tricote. C'est pas très grave. Mais donc... C'est pas très grave! Ah non! Mais moi, c'est la première fois, en fait, que j'entendais comme des gens parler de « queer ». C'était là, tu sais, j'avais 17 ans, puis j'étais comme « What? Qu'est-ce que quoi? » Il y avait une petite gang qui faisait aussi partie des Lucioles, qui était un groupe de cinéastes engagés, oui. Donc qui organisait des projections de films. Puis là, je me rappelle, il y avait eu, entre autres, c'était le moment où on parlait beaucoup du mariage gay. Ben, eux étaient comme « Ben, on pourrait aussi parler du divorce gay. » Tu sais, nous, notre but, c'est pas juste de rentrer dans l'hétéronormativité. Que je supporte beaucoup plus que le mariage. Exactement. Oui. Puis beaucoup de questionnements aussi du rapport au village, tu sais, de la marchandisation, en fait, justement, de nos identités, comment c'est vendu comme des produits versus avoir un discours un petit peu plus anticapitaliste, un petit peu plus radical, qui déconstruit, en fait, l'hétéronormativité, qui laisse place à une panoplie d'identités puis de réalités. Et les Panthères Roses, c'est ça, avaient des actions... d'éclat, coloré. Moi, je d'éclat, me rappelle, coloré. À un moment donné, il y a eu un gros rassemblement anti-choix à Montréal qui devait avoir lieu à l'oratoire. Puis là, il y a eu plein de mobilisations féministes, mais il y avait aussi les Panthères Roses qui étaient là. Puis je pense que quelqu'un était inscrit au congrès. Fait que là, même si eux, leur plan original tombait à l'eau, on savait où c'est qu'ils allaient souper. Fait que là, on les attendait avec un... Ils sortaient de leur autobus, il y avait des femmes déguisées en prêtres, des drag queens, et on distribuait des condom où il était écrit « Thank you for coming ». Les gens sortaient de l'autobus, faisaient des signes de croix. Yes. En nous regardant, ils avaient peur. Quand tu commences à prier en te voyant, c'est parce que ton action fonctionne en tabarnak. Yes, oui. Ouais. Ça, c'est une des affaires qui existait puis qui, à un moment donné, ben, la vie continue. Les gens ont déménagé de Montréal. Mais je pense qu'il y a été une petite... On peut aller dans l'Est, d'autres aussi, Calis. Entre autres. That's it. Ouais. Parfait. Mais je pense que les Panthères Roses, c'était comme un des premiers groupes queer francophones au Québec. Donc, ils ont vraiment eu ce rôle-là. Moi, je suis arrivé en 2008. Et quand je suis arrivé, l'année où je suis arrivé, j'ai eu la chance de tomber sur l'organisation de la première Radical Queer Semaine. Donc, c'était un festival. C'est ça. La RQS, qui n'est pas le réseau queer des sports. C'est ça, qui était... tout un réseau de ringuettes, toutes les choses. Ah ouais. Non, puis de rugby. Donc la RQS qui était 10 jours de festival queer radical en mars avec un mélange d'action politique, d'art, de fêtes, d'ateliers, etc., etc. Et donc on organisait ça, donc on se retrouvait tout l'automne et l'hiver pour organiser ce festival-là. Oui. Et c'est vraiment important, je pense, les festivals queer comme espace pour se retrouver, mener des actions politiques ensemble et politiser notre queerness. Et je pense que la Radical Queer Semaine, elle a vraiment eu ce rôle-là chez beaucoup de queer francophones de les politiser. Hein, Charlie, on s'est rencontrés... Allô, moi je suis né en 2013. C'est ça, Charlie, on s'est rencontrés là-bas, hein, il avait 20 ans, j'en avais 27. Yes. C'est ça, et c'est là où on est devenus amis à travers l'organisation de la RQS. Bon, c'était aussi le moment où on se cruisait, je te rappelle. Hein. Ça a duré 3 semaines. Ça a duré 3 semaines. Mais Vous seriez le pire couple, ça serait pas endurable. Je sais. Ça serait pas endurable. On s'est dit qu'on était... Ça serait pas endurable à l'interne non plus. Hein. Non. Donc c'est ça, la Radical Queer Semaine, ça a été majeur, ça a duré pendant 8 ans ça s'est arrêté, mais là il y en a une nouvelle qui s'organise, on va vous en parler à la fin. Oh my god, imagine. Ouais, ouais, comme ils disent sur TikTok, wait until the end. Parfait. Ça veut dire que la vidéo est plate normalement. Qu'est-ce que vous avez senti plus généralement parce que là il y avait aussi, on a parlé du G20 à Toronto qui était aussi parti de l'avant le Pink Bloc. Pendant le mouvement étudiant, qu'est-ce que vous avez senti comme accueil en général du mouvement, que ce soit des gens qui voyaient le Pink Bloc devenir de plus en plus visible, qui se faisaient éduquer par le Pink Bloc, c'était quoi les réactions à vos actions, à votre existence, ou qu'est-ce que vous pensez que le mouvement en a retiré? Ben, moi, personnellement, je pense qu'une de mes envies d'être dans le Pink Bloc, c'était justement pour pas trop avoir à me demander qu'est-ce que les autres pensaient de qu'est-ce qu'on faisait. Ouais. Fait que, je pense qu'il y avait un peu cette énergie unapologétique. Après ça, quand je me mets à réfléchir, j'étais comme, c'était quand même mitigé, parce qu'autant il y avait des gens, comme Chacha disait tantôt, qui étaient comme « Wow, c'est tellement le fun de vous voir dans les manifs, ça fait du bien, vous ramenez un autre type d'énergie, vous amenez des discours qui nous font réfléchir. » Mais je pense qu'il y a aussi des gens peut-être qui nous prenaient pas tant au sérieux, qui étaient comme « Bon, c'est le monde à paillettes. » Je veux dire, je pense que les préjugés homophobes, transphobes et compagnie. Même moi, dans les assemblées générales, quand la personne queer venait faire un point ou une proposition sur des affaires queer, j'étais comme « Est-ce que tu peux-tu passer à d'autres choses? Ça fait 9 heures qu'on est ici. » Ça, c'était... C'était juste parce que la durée des assemblées générales était à la fois impressionnante, touchante et épuisante. J'imagine très bien les abolos voir des gens avoir du plaisir puis se dire comme « Wow, c'est ça, encore, ils veulent défendre la prostitution! » Puis aussi, d'ailleurs, le Pink Bloc, c'est toujours dit « queer et féministe ». Fait que je pense aussi même de mettre ces deux mots-là ensemble, à cette époque-là, c'était pas si populaire. Et c'est, je pense que le contexte est important aussi, hein, dans le monde. Ben nous, on était à l'UQAM, là, tu sais, on était à l'UQAM, et à l'UQAM, les queers, on était pas très nombreux à l'époque. Les féministes radicales, anti-queer, transphobes, abolitionnistes étaient dominantes et majoritaires. Ouais. Et, ça a duré longtemps aussi. Là. Ça a duré longtemps, puis elles étaient quand même assez violentes à notre égard. Et jamais trop tard pour vous excuser. D'ailleurs, celles qui sont encore en poste de pouvoir, on vous invite à faire une petite rétrospective sur des affaires que vous avez peut-être dit publiquement. Drop the names. Non, mais c'est juste que c'est vrai qu'il y a beaucoup, de ces profs féministes-là en position de pouvoir qui sont toujours, qui enseignent toujours, qui ont tenu ouvertement des propos anti-travail du sexe, super transphobes, que là, maintenant, elles font juste plus le dire. Mais c'est correct aussi. Elles sont placard maintenant. Elles sont cachées dans le placard, oui. Mais est-ce que vos opinions ont changé ou vous avez juste compris que c'était plus acceptable de l'être publiquement? Moi, c'est ça ma question. Si vos opinions ont changé, appelez-nous. C'est correct. On veut savoir. Mais je pense qu'il y a un mélange. Alors, ce que vous avez posté là sur Facebook, là, c'est sûrement ça que vous avez comme médias sociaux. Mais tu sais, juste, c'est correct. Là. Donc, je pense que là, cette idée de créer un groupe queer féministe et qui a pris quand même de l'ampleur, c'est là où on a commencé à avoir un changement, en fait. Avoir un changement et où le queer devenait plus intéressant. Et aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Là, tu vas à l'UQAM, tout le monde est queer. J'abuse un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. À l'UQAM, tout le monde est queer. Tout le monde est queer à l'UQAM. Venez non, à l'UQAM, mais c'est on queer. On s'entend que sur Instagram, toutes les personnes cis ont mis « they them » dans leur pronom à la fin de toutes les autres. Je suis comme « ben oui, c'est ça. » Mais entre justement le début des années 2000, où comme, je pense peut-être pas juste dans les milieux francophones, mais pour sûr, dans les milieux francophones, personne savait c'était quoi queer. Là. Moi, quand je disais ça, il fallait que j'explique longuement. Puis là, les gens étaient comme bisexuel. Non, c'est pas ça. Je comprends pas. C'est correct, on va en parler, tu sais, parce que c'est de faire éclater tellement de binarité, oui, de rentrer dans notre queeritude que c'est correct, ça fait exploser la tête des gens. Moi, c'est là que j'ai commencé à avoir une réflexion sur c'est quoi être queer, c'est quoi être homosexuel, whatever, parce que la seule et unique non-mixité qui existait, c'était homme-femme. Mm-hmm. Puis là, moi, j'étais comme... Puis tu sais, même des fois, les gens ouvertement se posaient la question, mais là, qu'est-ce qu'on va faire avec les deux homosexuels dans le groupe? Non, puis les tapettes, c'est notre cauchemar de se retrouver avec la gang de gars straight qui voulaient tous se couper la parole puis se parler un par-dessus l'autre pour genre se prouver entre eux autres que c'était eux autres qui essayaient le plus fort. Là. Moi, je pense que j'étais le cauchemar, mais c'est pas grave. Je viens de me remarquer que mes pantalons me déchirent sur le corps. Ça va pas bien tout le monde. Je suis trop pauvre. Come on, She-Hulk. Justement, vas-y, Chacha. Non, mais j'allais dire que quand même, globalement, je pense que notre présence et notre visibilité a fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous aimaient, qui exprimaient aussi de l'amour pour nous, tu sais, oui, d'être, ouais, d'être content de nous voir. Ouais, ouais, ça a soulagé, ouais, des gens, je pense, de faire comme oh my God, un vocabulaire des gens qui existent, comme moi. Mais moi, ça a été ça. C'est ça. Je pense que même si tu sais les gens venaient pas forcément nous voir directement ou nous parler, je pense que ça a eu un effet en fait sur plein, ouais, de queer et sur même des féministes qui osaient pas trop dire qu'elles avaient des affinités queer parce qu'elles avaient peur de se faire bâcher dessus par, ouais, leur copine femrade. Ben, je pense que ça a permis, ouais, de changer quand même beaucoup de choses. Oui, parce que ça, c'est un des impacts, mais tu sais, il y en a eu plusieurs. Genre, déjà, de faire le coming out politique queer, moi, ça a plus arrivé à l'UQAM, genre après. Ta faute à toi, ça, Charles. Allô? Parce que dès que je suis rentré à l'UQAM, tout le monde essayait de me recruter pour être dans le petit groupe queer. C'était tellement drôle, calé. J'étais comme, mon Dieu, je suis bien populaire tout d'un coup. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres impacts? Est-ce que vous sentez que ça a eu un effet de vague? Est-ce qu'on peut en nommer d'autres? J'ai l'impression qu'on a répondu à la question que je suis en train de poser. Non, ça mais, arrive souvent. Non, mais je vais te répondre quand même sur le fait. Ouais. Je ne sais pas à quel point le Pink Bloc en soi a eu un effet de vague, mais je pense que la grève étudiante a eu un, ouais, effet extrêmement important sur les mobilisations queer, sur l'activisme trans. Hein, tu sais, la ouais, Trans March, elle commence en 2014. Ouais. Et c'est des militants qui se sont formés pendant le printemps érable, soit qui étaient trans, puis qui ont appris, bah, qui ont appris des outils militants dans le printemps érable, oui, soit qui ont fait un coming out trans après, puis qui ont créé la Trans March. Tu sais, puis je pense que ça a redynamisé beaucoup les mouvements sociaux. Oui. Je pense que tout le monde a eu le temps de network puis de savoir qui était qui. T'sais, moi, quand je disais qu'au début de la grève, ben, je me sentais tout seul par rapport à mes amis hétéros qui rencontraient genre plein de monde, mais t'sais, après 6 mois de grève, tu finis par en rencontrer là, du, ouais, monde. Là. Ça finit par networker puis tu finis aussi par mieux te connaître comme militant puis savoir avec qui tu veux t'associer. T'sais. Oui, absolument. Puis même, on a très peu parlé du milieu communautaire LGBT qui avant était hyper institutionnalisé, pas rad du tout, très, très calme, très gentil. Bah là, t'as la nouvelle génération de 2012 qui arrive et qui prend des postes dans le communautaire. Bah, ça change, tu vois. On voit le tournant queer, le, oui, tournant trans, le tournant intersectionnel qui est en train de se passer. Donc, je pense que le printemps érable a eu un effet sur nos mouvements sociaux at large. Donc, je sais pas à quel point on peut mesurer l'effet du Pink Bloc, mais c'est ça, l'effet de la grève. Est-ce que maintenant que la grève de 2012 est passée, le Pink Bloc est mort de sa belle mort, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées après? P15! ouais, donc ben on a un peu enterré le Pink Bloc, mais on le ressortait quand on en avait besoin. Donc ça a toujours été ça. Si des gens veulent faire des actions, ils peuvent utiliser le Pink Bloc. C'était un peu l'idée. Bon, c'était nous qui l'utilisions évidemment. On a fait plusieurs manifs antiracistes, manifs contre l'islamophobie, oui, contre la charte. Ça, c'était quand même des choses importantes. Je pense que ce qui a disparu après 2012, comme dans beaucoup d'autres espaces, tantôt tu parlais de l'école de la Montagne Rouge, ouais, mais je peux penser à tellement de collectifs et d'espaces, ah oui, qui ont existé pendant ces 6 mois-là. Que je pense après, on a été aussi accablés d'une immense fatigue collective. Ah non, ouais, mais pour vrai, ouais, 2013, c'était pas une belle année. Non. Tout le monde était au bout du bout, là. Non. En parallèle du Pink Bloc, je me suis aussi beaucoup intéressée à la question du care dans un autre espace qui s'appelle Politics and Care, où est-ce que je voyais, j'étais comme, hey, à la fin de cette grève, on va tomber comme des mouches. Tu sais, là, on est galvanisés parce qu'on est dans la rue tous les jours à gueuler. Mais j'étais comme, quand il y aura plus ça, qu'est-ce qui va rester? Puis, tu sais, je pense qu'il y a des choses qu'on a perdues. Entre autres, pour moi, c'était un moment magique de genre pouvoir aller dans une manif, parler à 10 personnes, puis là, soudainement, on fait organiser une action. Ouais. C'est comme présentement, j'ai pas ça dans ma vie. Je peux, ouais, pas juste me balader, puis être comme, allô, voici, ouais, un flyers. on était beaucoup qui ont tout droppé juste pour faire ça. Là. Moi, si je t'endettais en ce moment, c'est pas parce que je suis resté trop longtemps au cégep, c'est parce que 2012 a tout fucké, puis genre, je travaillais pas, puis j'avais trouvé des loopholes dans les pré-bourses, puis tout. Fait que c'était bien pratique, mais comme. Moi, je me rappelle, j'ai lâché ma job, j'étais comme, j'ai fait ça à temps plein, je n'ai que ça à faire. On faisait rien que ça. Surtout quand ça a commencé à pick-up, j'étais comme, okay, là, ça vaut la peine, on drop tout, on y va. Mais c'était aussi comme organisationnellement un moment intéressant, juste parce qu'on n'était pas tous encore overwhelmed par les médias sociaux, mais on était tous sur Facebook, qui était le média social à ce moment-là, où l'interface, tu sais, Facebook n'était pas encore le centre d'achat des médias sociaux qui essaie de récupérer à peu près toutes les features que tu peux avoir. Oh my god, oui, fait dans ce temps-là, assez... oui, on est encore visible quand on postait quelque chose. Il y aurait une grève là maintenant, puis on ferait juste dans notre messenger, puis il y aurait trop de group chat, là. Ça serait comme overwhelmant, puis on essaierait tout de se rejoindre par là, puis on est comme surstimulé. Tu sais, là, il y avait un truc où, autant sur des interfaces, genre web, genre, ou sur nos médias sociaux, c'était assez facile de rester connecté entre nous autres sans avoir une grosse fatigue d'information, mais aussi, tu pouvais aller dans la rue puis t'organiser directement avec les gens. Fait que t'avais comme une pas pire balance de tout ça, tu sais. Puis... tu sais, c'est sûr que c'est un énorme mouvement social, puis avec le recul, on peut parler du nombre de victoires, puis du nombre de choses que ça a changé, puis de l'impact que ça a eu, mais ça finit un peu bittersweet, surtout pour les gens qui étaient très lourdement impliqués dans la grève. Ce qu'on a eu comme résultat avec Pauline Marois, ce n'était pas le résultat attendu. Parce que là, pour les gens qui ne le savent pas, l'indexation fait en sorte que maintenant, ça coûte plus cher que s'il y avait eu la hausse. Hashtag girlboss. Hashtag girlboss. Merci, Pauline. Mais tu sais, quand Pauline a été élue, ils ont fermé l'usine nucléaire de je me rappelle plus chez où. Ils ont, tu sais, toutes les demandes de la gauche étaient clenchées une après l'autre. Là, tout le monde était comme, Chris, on a-tu gagné? C'est bien, ouais, qu'est-ce qu'on fait jamais ça gagner, nous autres, quand on est de gauche? Là, on était vraiment perdu, genre. Puis là, Mané, ben, là, ça pécote. Il y a eu l'indexation. Là, comme, OK, on est en train de se faire fourrer. Tout revient à bonne place. Ouais. Oh, je pensais que tu avais levé la main. Non. J'ai dit, mon Dieu, que le monde lève la main sur deux fifs le matin. Maintenant, c'est rendu poli. Oh. On n'en veut pas de ça, de la politesse. Non, jamais. Non. Mais juste pour revenir aussi à cette idée de qu'est-ce qu'on a fait après. Peut-être pas dans le détail, mais je pense que ce qui est important, c'est aussi que le Pink Bloc, c'est une stratégie qui s'adapte. Donc, on s'adapte aux manifs. Donc, ce qu'on disait, par exemple, on va pas agir forcément de la même manière dans une manif familiale, grand public, que dans une manif anticapitaliste. Mais aussi, dans le mouvement étudiant, ben, on est là pour créer des slogans trash, qu'on va vous dire tantôt. Ouais. Mais c'est sûr que quand on est dans une manif contre l'islamophobie, où 90% de la population de la manif, ce sont des personnes musulmanes, dont beaucoup de femmes voilées, et que nous, on est une bande majoritairement blanche, ben, on se positionne pas de la même manière. Oui, c'est ça. On n'arrive pas à créer des slogans grand trash. Donc là, on arrive et on est comme, on est un groupe de gays, de lesbiennes, de trans contre l'islamophobie. Puis on a eu un super bel accueil dans cette manif. Oui. Tu sais, je pense que le principe de solidarité des minorités quand on vit des oppressions, ben on l'a vu de manière effective. Et à l'inverse, à l'intérieur de nos mouvements, donc quelque chose qu'on avait fait, on avait réactivé le Pink Bloc quand il y a les carrés roses, les fameux carrés roses, les carrés roses qui étaient venus. On a réactivé le Pink Bloc justement. Pour le contexte, les carrés roses, c'est les commerçants du village qui se sont créés un mouvement social de toutes pièces sur les quand j'ai les médias sociaux, encore une fois Facebook. It was back in the days. Pour demander plus de caméras et de sécurité de police, qui est la police. Oui, oui. Parce que c'est pas une vision de la sécurité qui est collective, qui est communautaire, où on est ensemble. C'est comme si je te surveille, moi je me sens en sécurité. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas pareil puis que cette idée d'avoir une sécurité. C'est pas la sécurité, collective. C'est souvent ma sécurité. Exact. Puis aussi, à l'origine, ça venait de deux attaques homophobes à deux semaines d'intervalle qui s'est passé dans le village. Mais tu sais, il y avait comme vraiment juste fait... le raccourci de les attaques homophobes viennent des personnes en situation d'itinérance qui sont pauvres et eux ils sont homophobes et pas le reste du monde et c'est eux le problème qu'il faut surveiller parce qu'il y a aucune personne queer en situation d'itinérance dans le village évidemment. Non mais c'est ça, mais aussi c'était un truc de genre on s'entend que t'as plein d'organismes communautaires qui cater directement à une population qui vit dans la rue puis qui utilise des drogues injectables. Puis il y avait une tension entre ces organisations-là puis les commerçants qui sont dans une logique de « mais si les ressources sont là, ces gens-là vont rester. » Puis t'es comme « ben tu peux pas juste déplacer ces gens-là à l'infini. Il faut qu'ils soient quelque part. Ils sont là, il faut que les ressources viennent quelque part. » Même cette notion-là que ces gens-là font pas partie de nos communautés. Ben c'est ça, tu sais. Que comme voir qu'il y a pas... Tu sais, il y a les gens qu'on aime qui prennent des drogues, il y a des gens qu'on aime qui font du travail du sexe, il y a des gens qu'on qui se ramassent dans la rue. Puis je pense que c'est ça aussi une des grosses différences entre être queer et ou être comme propre et vouloir se marier et vivre dans l'hétéronormativité, mais un peu gay, tu sais. C'est de se dire non, nous on est complexe, on est multiple, nos réalités comme explosent en fait le cadre du statu quo. Fait que Pink Bloc versus Carré Rose. Donc on a essayé de les court-circuiter. Qui c'est qui a gagné? C'est qui a gagné? On voulait les court-circuiter, c'est ça notre objectif, avec toutes les lignes politiques que tu nommes, Pascal, justement, comme la solidarité, comme entraide, etc. Et ce qui était fou, c'est qu'à un moment donné, ils avaient un rassemblement. Donc, nous, on est allés manifester devant le rassemblement. Puis, c'était genre au Mado. Puis là, ils sont sortis pour faire une manif. Puis, ils étaient super violents avec nous. Donc, moi, en Pink Bloc, le plus de violence que j'ai vécu de la part d'autres manifestants, c'est de la part de gays. Moi, depuis que j'ai fait mon coming out, la plupart des gens qui m'ont opprimé le plus, c'est des cis gays. mais c'est ça. Donc, je pense que c'est des lignes de fracture. Puis, c'est des lignes de fracture qu'on accepte aussi. On est queer, on est anticapitaliste, ouais. On est antiraciste, on est décoloniaux. Donc, c'est ça, on accepte cette multipositionnalité. Puis, dans les autres mouvements sociaux, généralement, on va bien nous accueillir et les gens vont être contents de nous voir. Mais des fois, il y a des lignes de fracture à l'intérieur du mouvement LGBT. Mmh. Puis, il faut les vivre, il faut les accepter, puis il faut les enforce. Moi, je considère qu'on a quand même gagné parce qu'on les a quand même empêchés pendant un temps qu'il y ait plus de flics et plus de caméras. Ouais. Mais bon, au final, avec le temps, ils ont quand même réussi parce que, c'est ça, là. C'est nous, à un moment donné, parce nous mobiliser. Parce que même quand on est l'île mairesse de gauche, on surfinance la police. Ouais. Fait que, gars, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tabarnak? Hashtag girlboss! Hashtag girlboss! Yes! Ça aurait dû être André Wauclair, lui nous aurait arrangé ça. C'ti. Hashtag girlboss! Yes! Petit café? Petit café. Ouais. Puis on revient, on veut un café, nez. Ouais, on va aller prendre un café à graines brûlées parce qu'il n'existait pas dans le temps des carrés roses, parce qu'on sait qu'ils sont innocents. Yes, ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils sont pas coupables. Nous avons consommé le café de l'innocence. C'est consommé. Le café d'une des rares business qui, à notre connaissance, a pas les mains sales. C'est ça. À confirmer. Le suspense est entier. Si on voit une opportunité de se mobiliser puis qu'on veut faire un pink bloc, comment c'est que c'est qu'on fait ça? Un pink bloc, c'est assez simple à faire. Bon. Moi, mon petit secret, c'est le sac de Pink Bloc. Yes. Donc, on a un sac à dos, avec dedans plein de câbles de tissu rose. Comme ça, on est dans la manif, boum, on peut créer le Pink Bloc en 5 minutes, on donne des câbles aux gens. Par contre, il faut bien leur dire de nous les rendre avant la fin de la manif, parce que c'est ça, on n'a pas un budget infini. Parce que la propriété privée, c'est important. C'est important, oui, on la défend, puis rendez-moi mon affaire. Je te le prête, je te le donne pas, je te le prête. Je te le loue. Ouais. Oh. L'idée, c'est de se dire, l'action directe, ça peut se faire, il suffit d'être 3, 4, de se dire, ok, on veut faire une action, puis de faire une action. Genre, ça n'a pas besoin d'être forcément hyper compliqué, ça part de quelques personnes qui ont une bonne idée, qui ont envie de faire quelque chose de fun, puis on le fait, puis that's it. Donc, c'est un peu ça avec organiser un ping block, là, à un moment donné, on se décide, on le fait. Alors, c'est ça, nous, après, en tout cas, je vais revenir après sur qu'est-ce qu'on fait pendant la manif, parce que ça c'est la partie le fun. Pascal, un conseil sur comment starter un bon ping block? Il faut que tu parles à tes deux amis. Oui. Puis t'es convaincu. Tu te dis, on va avoir t'en du fun. T'en as deux, moi il m'en reste une. Ça achève, là. Tu peux parler à ton ami. Un duo, c'est déjà quelque chose, tu sais. Fait que je pense que c'est beaucoup l'idée de quand on commence à faire de l'action politique, de pas avoir peur d'essayer des trucs. T'sais, justement, en 2012, moment qui a vraiment pogné, c'était les manifs de tout nu. Tout ça a commencé parce que des gens sous ont fait un événement Facebook la nuit en étant « Ah, on va faire une manif de tout nu! Oui. » Le lendemain, il y avait genre 1000, 2000 personnes qui voulaient y aller. Puis là, il était comme « Là, on est un peu pogné à organiser cette manif nue. Oui. » Puis là, ça s'est fait parce que le monde y avait envie d'être là. Là, je dis pas que on va se ramasser 1000 à 2000 parce que tel que mentionné, on n'est plus en 2012. Mais on va peut-être se ramasser tout nu, par exemple. Hey, on a parlé off the mic, on était tellement wild que des fois, les actions, c'était genre, demain matin, on rentre dans un bus, on peut pas vous dire qu'est-ce qui se passe, on vous amène là où ça se passe. Ouais. Guess what's gonna happen? On sait pas. Ouais, mais se ramasser sur le pont Jean-Cassine. C'est comme Noël tous les jours. Oui, il y a eu le pont Jean-Plein après. Ouais. Ouais. Puis on sent aussi qu'aujourd'hui, il y a comme un besoin d'action. Hein. On nous a contactés justement pour les 10 ans du printemps érable. Exactement. Il y a comme, en fait, vous n'êtes pas les seuls à vivre dans la nostalgie de 2012. Il y en a d'autres qui avaient envie de faire des choses pour souligner les 10 ans. Et donc, il y a entre autres un article qui a été écrit sur Archives révolutionnaires qui relate certaines choses qu'on a parlé aujourd'hui. Et la personne qui écrivait l'article, Mathilde, était comme « Mais là, pourquoi vous faites pas un événement? Pourquoi vous parlez pas de ça? » Puis moi, j'étais comme « Je comprends pas. Pourquoi les gens voudraient parler de ça? » Mais elle était comme « Parce qu'il n'y en a pas de Pink Bloc présentement. Il n'y en a pas de groupes franco-queer qui sont présents dans l'espace public. Ça serait le fun d'entendre cette histoire-là. Fait que là, on était comme, OK, on va aller s'asseoir sur des petites chaises drettes en dessous des néons, vous faire l'heure du conte. Puis, Mathilde avait raison, ça intéressait du monde. Il y a des gens qui se sont pointés. Puis, on était un peu dans cette idée qu'on avait envie de transmettre l'envie de faire des choses, même si on n'est pas beaucoup, puis d'essayer. Puis, à la fin, il y a plein de monde qui sont restés. Puis, il y a comme, OK, on revient la semaine prochaine. Là, on se fait une autre réunion. Fait que c'est comme ça depuis le mois de mai, il y a un petit groupe qui se revoit et qui s'est dit, mais là, tant qu'à refaire tel des phénix qui sortent des cendres, pourquoi pas ramener la radicale queer semaine. Fait qu'en fait, hier, il y a eu notre première grande rencontre d'organisation. C'est tout nouveau, c'est en effervescence et on cherche des gens qui ont envie d'être avec nous, d'organiser ça, que ça soit de se dire on va faire une activité queer de famille, d'aller glisser l'hiver, que ça soit une conférence, un party. Peut-être que toi puis tes deux amis, vous avez un skills que vous voulez partager au monde. Peut-être que vous avez envie de rencontrer des gens. Ben, ça, c'est un bel endroit. Oui, on est tellement beaucoup à vouloir vivre dans la nostalgie. Tu te rappelles-tu de ça? À un moment donné, moi, je vais déjeuner avec Charlie, puis j'y parle du fait que je veux me partir un podcast sur les 10 ans de la grève de 2012. Puis genre, un mois après, tu débarques au média, t'es comme... Je sais pas, mais je pense que je partirais un podcast sur la grève de 2012. Je suis comme, bitch, c'est mon idée, je t'en ai parlé il y a un mois. Pour un moment, j'ai cru que c'était la mienne. T'as quand même le crédit d'avoir fait naître deux filles, fait que c'est correct. Genre, chacun. Ça va. Parfait. Tu l'as enfanté. Mais si, c'est ça, s'il y a des gens qui nous écoutent et que vous aussi, vous avez attrapé la nostalgie et que vous avez envie de venir participer, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Oui. Ou si vous avez juste envie de participer. Exact. Vous êtes obligé d'être nostalgique. Exact. Peut-être que vous êtes la petite jeunesse qui voulait embarquer. Frais, plein d'énergie, là. Donc, ça va être en mars, ça va durer une dizaine de jours. Puis, c'est ça, vous pouvez aller sur la Radical Queer Semaine sur Facebook ou Pink Block avec un point d'exclamation à la place du i sur Facebook. On n'est pas encore sur Instagram parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. En même temps, je ne sais pas à quel point ce serait utile d'être sur Instagram parce que c'est, je pense que ce que vous auriez besoin, c'est genre d'un groupe Signal. Signal. J'ai essayé de dire Signal ou Signal, mais ça a sorti Signal. Ou Telegram, genre une conversation comme ça de plus organisationnelle qui serait pas comme un groupe Facebook où l'algorithme décide de l'ordre des posts puis ça devient weird. Effectivement. Mais là, Charlie, t'as des bonnes idées? Tu devrais venir à la réunion partager tout ça. J'en fais déjà assez des affaires calistes, là. On m'a proposé une activité là, pendant RQS là, par exemple. C'est moi qui vais l'animer la glissade en famille, ça va être le fun. On parle de nostalgie, on va s'en beurrer jusqu'à n'en plus soif. Le Pink Bloc, c'est aussi énormément de slogans mémorables, de phrases punchées, de... Ok, moi je pense que, tu sais, moi, mon fun dans Pink Bloc, c'est créer des slogans. Là. On s'est retrouvés, là, d'ailleurs, récemment, pour il y avait une manif pour la justice climatique, puis on a juste passé, genre, une demi-heure à créer des nouveaux slogans. Oui. Donc, notre fun, c'est vraiment de créer des slogans, puis de les crier, puis de faire le tour de la manif en créant nos slogans queer, pro-sexe, puis qui choquent un peu, puis font rire les gens. Ouais. Donc, on en avait créé pas mal pendant la grève. Yes. Et on s'est dit qu'on allait vous en sortir quelques-uns. Ambiance de manif, on crie, il y a du bruit partout, on est excitant. Justin Trudeau est avec nous, on va la gagner, la cause climatique. Saint Greta marche en avant. T'as-tu raconté cette fois où t'as confronté Justin Trudeau? Ah, mon Dieu, ça c'était bon. Elle était bonne, celle-là. C'était quand? C'était genre une Pride où genre, tu sais, il devait être ministre, là, il était pas encore premier ministre. Puis, c'est quoi, on était moi, toi, puis Sophie Labelle. Ouais. Puis, on fait juste le croiser, puis il y a toute sa team autour de lui. Puis là, c'est quoi qu'on se met à crier? Plus genre... de Palestiniens morts. Ouais, plus, puis on était comme. La guerre en Israël. Ouais, puis on était comme. Vive l'état de l'apartheid! On aime l'état d'apartheid! Puis là, on faisait juste comme crier des affaires d'un. Puis là, il y avait juste sa team autour qui était comme. Mais là, vous pouvez pas faire ça à M. Trudeau, là, M. Trudeau. Puis là, Monsieur Trudeau. Ouais, Justin Trudeau fait juste regarder, il me regarde dead in the eyes, puis il dit c'est pas gentil de dire ces affaires-là. Puis là, j'étais comme. C'est pas gentil de tuer des Palestiniens. Et soutenir l'apartheid. Ça s'est fini comme ça. Voilà, comme quoi l'action directe, hein, des fois, ça prend pas grand chose. Mais moi, Justin, il me l'a dit que c'était pas gentil de dénoncer le fait qu'il soutenait un état d'apartheid, en tout cas. Puis tu t'es calmé depuis, t'as compris que c'était pas gentil. Mais depuis, tu voulais je me être gentil. Suis dit, c'est vrai que moi, dans mes valeurs fondamentales, il y a la gentillesse, ça va quand même avant la justice sociale. Fait que c'est ça. Ok, donc on y va. Donc, il y en avait un qu'on avait créé qui a été pas mal repris, c'était Charret, ta gueule. on peut se crosser tout seul. Charret. Ah ouais, Sayal, on peut se crosser tout seul. Oh my god, Sayal, on est un groupe de folklore pour faire des chansons ouais, répondre. Ouais. Mais non, mais celle-là, c'est vrai qu'il était comme très repris, ouais. Puis qu'il avait pas besoin d'un ping block pour que les gens le reprennent. Mais c'était le ping block qu'il avait créé. Oh, ouais. Just so you know. Oh. Ok, on veut fourrer, on veut pas s'endetter. Là, c'est votre, faites votre propre chanson à répondre à non, la non, raison. Non, là, on vous laisse un blank pour que en rafale. Parfait, en rafale. Qu'est-ce qu'on avait d'autre qui était... J'aimais beaucoup. You're sexy, you're cute. Take off your riot suit. T'es beau, t'es chaud. Me semble que le casque est trop. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut pas érotiser la police, par Je contre? Je sais, hein. C'est ça. Là, on avait fait... More tops, less cops. Oui. C'est bon, ça. C'est quand même bon. C'est ça, tu sais. Ouais. LGBTQ, les frais, on n'en veut plus. C'est bon. C'est bon, classique. Hein? Il n'y avait pas que des Beyoncé, me semble. De l'argent, il y en a dans les poches de Madonna. Mais tu sais comme, oui, oui. Oui, mais ça fait pas beaucoup de sens, mais c'est juste on reprend de l'argent, il y en a dans les poches du patronat, puis ça nous fait juste rire. Mais de Madonna, ça c'est drôle. Tu as le droit de rire. Dans les manifs, les gens scandent so, solidarité. Nous, on reprenait ça encore. So, sodomie. C'est bon. Mais j'avoue que de l'argent, il y en a dans les poches de Madonna, ça sonne vraiment genre comme. Tu sais, là, les estis d'anticapitalistes straight là, qui se trouvent vraiment comme woke, genre nice d'être comme. Ouais, mais dans le fond, là, toutes les célébrités féminines que vous adulez, vous autres, les queers, c'est des capitalistes, nanana, pis je suis comme... C'est vrai. Let me have fun. Du sexe anal pour le changement social. Ça, toujours. Autre version, le plus queer radical pour le changement social. Bon, ok, oui aussi. Oui. Queer et féministe, anticapitaliste. Ouais, c'est bon. On aimait bien aussi danser, la paix sociale est terminée, danser, la paix sociale est terminée. Ouais. Ça c'était fun, puis on dansait en même temps, on avait ouais. Fun. Oui. Jouissons plus fort pour que personne ne nous ignore, jouissons plus fort pour que personne ne nous ignore. Yes, et un de mes préférés, donc celui-là, pour le faire, il faut mettre ses mains en triangle devant sa face. Donc, ayez l'image de Manon Massé. Hein, Manon Massé, vous savez, son équipe de com essaye de faire croire que c'est un cœur pomme. Oui. Tout le monde sait que c'est un crypto-message lesbien qu'elle essaye de nous faire passer. Donc, on met nos mains en triangle et on crie « Noun, noun, noun !» Nous ne céderons pas! C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. Mais là, j'imagine qu'un bon cuni s'en vient. Là. Oui. Un bon cuni jamais ne sera vaincu. Ça, c'est trop bon là. Moi, une des choses que j'aimais beaucoup faire aussi, c'était quand il y avait des occupations et où qu'on était à un endroit fixe, qu'on avait nos petits pompons, c'est juste de tourner autour de cet endroit en criant « À gauche! Toujours à gauche! » Ouais. Ça pouvait durer des heures. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est quand même... Oui, moi, ce que je m'ennuie le plus, c'était les manifs ironiques de droite. Ça, c'était... Peak of irony. Ouais. Quand on se mettait tout en mode carré vert, en veston cravate, puis qu'on s'en allait se promener avec des faux slogans qui étaient tellement trash. Je n'en répéterai pas parce qu'ils vont se faire cancel. Ouais. Oh my god. Surtout dans ce temps-là, moi, j'avais aucune limite parce que cancel culture didn't exist back then, mais. Ouais. J'avais pas de limite. Le but, c'est d'aller loin puis d'être deg, là. Ouais, des fois, j'y repense puis je suis comme. Ouais. Mais d'ailleurs, un des trucs qu'on n'a pas abordé puis qui est quand même assez sensible, mais c'est le fait qu'après 2012 et avant MeToo, il y a eu beaucoup de dénonciations post-grève dans nos milieux, en fait. Exactement. Comme par hasard, quoi? Des gens ne respectent pas bien le consentement dans des contextes où tout le monde est épuisé, qu'on est sous la moitié du temps puis que genre, on se comprend plus, tu sais. Puis, tu sais, tantôt quand on parlait de ça a été quoi l'héritage, mais pour moi, comme tu disais tantôt, je pense pas que c'est un truc de cause et effet. Le Pink Bloc a parlé de consentement et ces discours-là ont pris plus d'espace. Je pense que ces discours-là prenaient déjà de plus en plus d'espace et ça a explosé après, tu sais. Mais, 100%. Bon, ben, dernier petit café. Petit café. La thé, cappuccino, pas de café pour les fachos. Ah, c'est bon ça. Oh. On l'a déjà fait, c'est un vieux gars. Oh. Ouais. Quelle surprise, je répète mes jokes. Tout le monde a eu la terre. Nostalgie, then again. Puis on va revient. On veut caféiner. c'était tout pour notre émission de cette semaine. Merci les Moons d'avoir été à l'écoute. Oh, merci la gang. Merci Chacha et Pascal. Merci à vous. C'est un plaisir de vivre ce moment nostalgique. Est-ce que vous avez des plugs? Ben, comme on vous l'a déjà dit, allez voir le Facebook du Pink Block ou de la Radical Queer Semaine. On ravive des affaires de 2012, hein? C'est sur Facebook qu'il faut. C'est ça, sur Facebook, on ravive du 2012. Donc, c'est ça, allez-y pour vous informer des prochains événements et tout ça, là, de l'organisation de ce festival. Ça va être incroyable. Non, mais ce qu'on s'est dit, si jamais on est 5, on fait quelque chose à 5. Mais là, on s'est dit, on pourrait être plus, puis on pourrait faire des grandes affaires, puis ça va être bien excitant. Ben oui, c'est ça. Oh, c'est beau, puis c'est inspirant, puis ça donne le goût. Une belle fin de saison, ça. Yes! Et quant à vous, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui ont de l'allure en tapant le chiffre 2 FIF avec un X à la place du I, parce qu'on veut pas se faire chatter par la police des mœurs. 2 FIF le matin en un mot. Et ce, sur Instagram. Point final. That's it. Oui. Oui, je devrais tellement nous partir un LinkedIn juste pour la joke. Calisse. Dernier épisode, on se fait un LinkedIn. On se fait un LinkedIn. C'est le temps, c'est le moment. Bon, ben, bonne semaine, bonne saison, bonne année. Ciao! Bye les Moons, merci pour la belle saison. Yay! Bye.